Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, grandeur et misère, d'une vie de chien. Il est très content, il joue avec nous autres. Supposons à la campagne, on court. Il va courir avec nous autres. On joue à cache-cache, il va se cacher avec nous autres. C'est docile, un chien. Ça n'ira pas nous griffer pour rien. Le chien qu'on aime, le chien qu'on adopte pour qu'il joue avec les enfants, le chien qui fait partie de la famille, ce chien qu'on ne veut plus considérer comme un bien meuble et qui conduit à l'adoption de nouvelles lois pour mieux le protéger, eh bien ce chien a connu de bons et de moins bons jours tout au cours de l'histoire. Meilleur ami de l'homme, nuisance publique, chien savant, chien kamikaze durant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire du chien, ça vaut bien une émission. Laurent Turcot, vous enseignez l'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonsoir, merci d'être avec nous, merci, Laurent. Merci, ça fait plaisir. Vaste programme, l'histoire du chien au cours de l'âge. D'abord, il apparaît quand dans l'histoire? Les premières traces du chien. Là. Ben oui, ben avant, on va parler aussi de sa domestication, parce que c'est sûr que le chien remonte à des temps ancestraux, mais on va donner une date, c'est important, une histoire de 12 à 10 000 ans avant Jésus-Christ, la domestication du chien, d'après les premières traces archéologiques. Plusieurs se bousculent pour dire c'était nous qui l'avons eu avant, etc., etc., mais c'est vraiment 12 à 10 000 ans avant Jésus-Christ qu'on retrouve le chien. Mais très vite dans les civilisations, les grandes civilisations mésopotamiennes, mais aussi grecques et bien sûr, romaine, et là, on pense, bien sûr, à cette figure mythique du chien entouré à Pompéi, parce que quand on a redécouvert les cendres de Pompéi, on a coulé du marbre dans les poches d'air qu'il y avait. Eux, on a découvert qu'il y avait un chien qui était agonisant complètement. Et on peut voir ce chien, si vous tapez sur Internet, ouais. Chien de Pompéi. Donc, trace concrète, très ancienne, de la présence du chien. Et même, on a trouvé à Pompéi des mosaïques sur lesquelles c'était écrit « Attention au chien », pour dire que la domestication et l'imbrication avec l'homme est déjà intrinsèque dans les grandes sociétés civilisées. Donc, ami de l'homme, un vieil ami de l'homme que ce chien est une figure, la figure du chien, qui, en tout cas, dans l'iconographie chrétienne, on voit, là, il est présent très tôt. Cette figure du chien, elle est là. Il est extrêmement présent dans ce qu'on appelle la légende des saints, le siècle d'or, justement, et certains grands saints vont marquer leur figure avec le chien qui les accompagne. On pourrait parler de Saint Védelin, de Saint Hubert, Saint Eustache, mais un de ceux qui est le plus important, et là, on pense bien sûr aux gens de Québec, c'est Saint-Roch. Ouais. Saint-Roch qui est le patron des pèlerins, mais aussi le protecteur des animaux. Qui était-il? C'est un Français qui naît à Montpellier en 1340 et qui, en pleine grande peste, on le sait, la peste noire qui va mettre à terre le tiers de la population européenne, il va partir en Italie pour aider les pestiférés. Il va malheureusement attraper la peste et il va retourner dans une forêt pour y mourir seul. Mais il y a un chien qui va lui apporter tous les jours de la nourriture, donc il va survivre grâce à ça. Et il va ensuite retourner au royaume des hommes avec dans les villes parce qu'il a cru en l'humanité avec ce chien. Donc le chien protège. Déjà là. Le chien protecteur, le chien ami, le chien dévoué. Oui. La dévotion du chien est intrinsèque à la figure et à la symbolique qu'on va avoir avec l'animal. Et on dit d'ailleurs, c'est Saint-Roch et son chien. Qui aime Saint-Roch aime son chien. Il y a vraiment un couple entre certains grands saints et leurs animaux domestiques, ou plutôt leurs animaux qui leur servent de compagnons utilitaires. Et il y a une légende absolument extraordinaire. On parle de la légende, je ne sais pas comment on l'appelle d'ailleurs, la légende de Verbeau. Le chien de Montargis. Le chien de Montargis. C'est une très grande légende qui d'ailleurs va être adaptée au théâtre au 19e siècle. On se remet dans le contexte. 1371, on est dans la France du roi Charles V, le sage, et il y a deux hommes du nom de Montdidier et Macaire qui s'opposent pour avoir les faveurs du roi. Macaire est extrêmement jaloux de la position du favori de Montdidier et il décide de le supprimer. Il dit « ça y est, cet homme, il veut s'opposer à moi, je vais le supprimer ». Donc, il prend quelques comparses et il va tendre un piège à Montdidier dans la forêt de Montargis, dans la forêt de Bondy, pardon. Et quand il arrive, le pauvre Montdidier, il se fait entourer par les hommes, il se fait trucider et le chien qui l'accompagnait du nom de Verbeau, d'où le nom que vous l'avez dit tout à l'heure, lui, on va le lier à un arbre. Donc, il va assister impuissant au massacre de son maître. Le pauvre maître qui va être laissé vraiment à l'agonie, qui va mourir, le chien va délier ses liens pour retourner à la ville et va aboyer, aboyer plus qu'il n'a jamais fait. Et les gens vont se dire, mon Dieu, mais quel est ce chien qui aboie? Il veut nous dire quelque chose. Mais voilà le langage non-verbal du chien. Ouais. Et les gens vont suivre Verbeau dans la forêt et on va découvrir le corps de Montdidier. Et on va dire, bon, ben, il est mort, on ne sait pas par qui. Mais un jour, Macaire, celui qui a tué Montdidier, passe devant Verbeau. Et là, la furie que devient le chien, il lui saute à la gorge, il veut le tuer, le trucider, l'accrocher. On retire le chien, on dit, mon Dieu, mais qu'a-t-il? Macaire s'en va. Et plusieurs fois, à chaque fois que Macaire revient, le chien devient fou. Donc là, on dit, est-ce que ce serait lui qui aurait tué Montdidier? Et là, on va aller représenter devant le roi Charles V les deux protagonistes et on va déterminer ce qu'on appelle une ordalie. Une ordalie dans le côté judiciaire français, c'est un jugement de Dieu. C'est un combat entre deux personnes qui s'opposent, dont on n'arrive pas à déterminer la vérité, et Dieu va donner la victoire au plus juste. Macaire est armé d'un gourdin, Verbeau de ses armes naturelles. Donc un duel, en quelque sorte. C'est ça, c'est un duel judiciaire, une ordalie. Donc Verbeau va gagner, Macaire va avouer son délit, il va être pendu haut et court en place publique et on en fera un exemple. On ne peut pas ne pas parler de Saint-Bernard. On est dans l'histoire du chien, on parle de cet univers chrétien des saints, le mythique Saint-Bernard. Ben oui, le mythique Saint-Bernard qui nous vient du 17e, 18e siècle. Ça vient d'où son nom, de fait? Ben en fait, c'est très simple, c'est l'hospice du grand Saint-Bernard et c'est les familles vaudoises et valaisannaises qui vont donner des chiens à l'hospice de Saint-Bernard et ces chiens qui sont des Saint-Bernard, comme leur nom l'indique, vont prendre leur nom de l'hospice en question. Et on va affubler le Saint-Bernard parce qu'ils sont dans les montagnes de la devise noblesse, dévouement et sacrifice. L'espèce de petit tonneau qu'on a justement pour aider les alpinistes en détresse, c'est le symbole par excellence. C'est un peu, comment dire, le lien que la dévotion et l'aide chrétienne pourraient faire, mais passer à travers la figure du chien. Mais malheureusement, toutes les histoires que je vous raconte ici pourraient faire croire que le chien est vu de manière positive, ce qui n'est absolument pas le cas. Les histoires que je viens de vous raconter, ce sont des contre-exemples. Oui. Il y a une peur collective. Et on va y venir à ça, parce que le chien, il est très, très craint. Mais puisqu'on parlait du Saint-Bernard, on va se faire plaisir. Écoutez bien ce qui suit, Laurent. Parce que, évidemment, le Saint-Bernard et cet usage du Saint-Bernard comme chien secouriste va faire des petits, passez-moi l'expression. Et on écoute un extrait d'un reportage qui date de 1952 et qui parle justement de ces chiens secouristes. Dans les Alpes bavaroises, à la suite d'abondantes chutes de neige, les services de sauvetage ont entrepris l'instruction de chiens secouristes à l'exemple des Saint-Bernard. Méthodiquement entraînés, ces chiens sont appelés à devenir la providence des victimes de la neige et peuvent même, lorsqu'elles ne sont pas enfouies trop profondément, les dégager et leur apporter un premier secours sous la forme d'un cordiale. Dès lors, leur rôle est d'avertir les équipes de sauveteurs. Ce qui prouvera une fois de plus que le chien est vraiment le meilleur ami de l'homme. Autre exemple, pour ceux qui en doutaient que le chien est le meilleur ami de l'homme, chien secouriste, donc le Saint-Bernard, mais d'autres types de chiens qui seront secouristes. Et puis le chien, il aura, puis on y reviendra dans un instant, toutes sortes d'autres usages au cours de l'histoire. Mais il est aussi craint. Et très tôt dans l'histoire, ami de l'homme certes, mais pas que ami de l'homme, parfois ennemi public. Ennemi public numéro un, pourrait-on dire, parmi les animaux, parce que justement, on craint le chien pour différentes raisons. Du point de vue religieux, autant avec les saints qu'on a évoqués un peu plus tôt, on a l'impression que c'est l'ami de l'homme, c'est l'homme, l'être dévoué, mais absolument pas. On associe le chien à une espèce de peur collective, on l'associe au désordre, parce que le chien errant, c'est le chien qui n'appartient à personne, c'est celui qui risque d'attaquer, on le sait avec ses qui peut amener la rage. C'est associé au laisser-aller et on en a peur. D'où la raison pour laquelle, quand on en voit dans les villes, on va tout faire pour les exterminer. De manière quotidienne, à Londres, à Berlin, à Paris, à l'époque moderne. Quand je parle de l'époque moderne, on va du 16e jusqu'au 18e siècle. Donc, durant cette époque, dès qu'on voit des chiens errants, on les prend, on les amène et on les zigouille. Le chien est une nuisance publique. Complètement. On préfère plutôt le cochon, qui est beaucoup plus utile, parce que le cochon, lui, il mange les déchets. Ouais. Ce qui fait faire que les Arabes, notamment, ne voulaient pas manger de cochon, parce que pour eux, c'est l'éboueur. Et parlant d'arabe, justement, pour eux, être traité de chien, c'est une des pires injures qui soient. Et pourtant, quand on regarde dans le Coran, on se rend compte que la référence au chien n'est pas si négative que ça. On y est considéré comme bon de manger de la viande d'un animal qui a été tué par un chien. Et il est même, à plusieurs reprises dans le Coran, on l'associe comme un animal fidèle. Donc, il y a une espèce de glissement entre le Coran et l'interprétation actuelle qu'en font les Arabes. Et ce chien qui dérange, Laurent, cette traque, cette chasse au chien, on l'a vu encore récemment. Moi, j'avais en tête le souvenir des jeux, les jeux de Sochi, il me semble, où il y avait eu carrément des entreprises d'extermination de chiens errants. Les Jeux olympiques donnent toujours cette idée qu'il faut raser et mettre au banc de la société tout ce qui est considéré comme une nuisance. Les rats, les chevaux qui errent un petit peu à gauche et à droite, mais aussi les chiens, vous l'avez dit. Et à Sochi, on va organiser, les chiffres sont aberrants, on a même avancé les chiffres de 300 euthanasies par jour. Imaginez. Pour être sûr que les chiens ne donnent pas cette image de laisser aller. On le sait à quel point Vladimir Poutine voulait offrir des jeux cosmétiquement parfaits. Je dis le mot cosmétiquement parce que quand on regarde derrière le carton papier qui souvent était tiré ou les toiles de plastique, on se rendait compte que c'était un désastre, autant du point de vue environnemental, humanitaire et, avec ce point-là, animal aussi. Parce que certes, les hommes souffrent, mais les animaux aussi. Et cette sensibilité qui aujourd'hui est extrêmement développée ne l'était pas à l'époque. On se disait, c'est un animal parmi tant d'autres. Et même Descartes considérait qu'il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas de raison, donc on peut le laisser tomber. Pour Malebranche, autre philosophe, il dit, le chien est un sous-animal, il lui suffit de lui donner un coup de pied pour entendre son cri qui ressemble à un des cliquetis d'horloge. Mmh. Donc, aucune raison là. Donc, chien mal aimé, on tourne la page parce que j'ai plus envie d'entendre parler de ce vaillant compagnon qu'on va utiliser à toutes les sauces. Évidemment, la première image qui nous vient, c'est le chien de chasse. Le chien de chasse, tout à fait. C'est un des grands sports modernes, pourrait-on dire. La chasse, on va se retourner un petit peu dans l'histoire, à l'époque médiévale. À l'époque, il y avait tout un cérémonial qui existait pour la chasse. C'est bien sûr venu des Romains. Les Romains adoraient la chasse, je vous le donne en mille, aux sangliers. Et là, vous avez bien sûr Astérix dans la tête. Et on servait justement des chiens pour courir après les sangliers. Là, imaginez pas Idéfix, parce qu'Idéfix, il n'arrivait jamais à attraper les sangliers. C'était plutôt Bélix. Pauvre petit Idéfix. Mais oui, mais ça va changer à l'époque médiévale. Ce n'est plus le sanglier que l'on cherche à abattre, parce que c'est considéré comme une bête un peu brute, mais plutôt le cerf. Et le cerf, lui, plus il va être beau, plus il va être agréable, plus on va lancer des chiens contre lui. Et vous aviez ce qu'on appelle des veneurs qui vont couper les accès de sorte que le noble qui arrive sur sa monture avec son arc peut abattre très facilement et ensuite les chiens vont dépecer. Vous avez des traités de vénérie. Des traités de vénérie, c'est en fait, on explique comment faire la chasse avec de magnifiques peintures, de magnifiques gravures. Je dis des gravures, c'est pas des gravures, ça n'existait pas, mais plutôt des dessins. Ouais. Et vous avez des chiens qui sont magnifiquement bien représentés, comme s'ils étaient l'égal du noble. Le chien dans la chasse est plus important que le paysan. Et pourtant, il y en a un qui c'est un animal et il y en a un c'est l'homme. Et il y aura toute une spécialité, tel type de chien pour tel type de chasse. Il y aurait de quoi écrire une encyclopédie complète. Mais le chien, on va l'utiliser à d'autres fins également. La nouvelle du lancement du deuxième satellite soviétique un mois après le premier a causé une vive impression en URSS comme dans le reste du monde. On peut avoir une idée du procédé de lancement à la lueur du film présenté à Londres par l'ambassadeur soviétique M. Malik et qui illustre le lancement du premier satellite. Avec le satellite partait aussi le premier voyageur vivant de l'espace, une petite chienne esquimée. Vous parliez de Tintin tout à l'heure, le ton de l'époque, ça rappelle presque un dessin animé de Tintin. Les petites voix nasillardes. Laika, donc, c'est fabuleux. Le chien, évidemment, on arrive au chien, l'utilisation du chien en science, le chien cobaye. Ce sera le cas de cette chienne Laika qui sera, on l'entendait, la première forme de vie humaine à aller dans l'espace, carrément. Et le nom, en fait, Laika en russe veut dire petit aboyeur. C'est le premier chien du programme spatial soviétique qui va, bien sûr, préfigurer le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, qui en fait rêver plusieurs et même qui a fait composer plusieurs chansons, comme Laika, d'ailleurs. C'est une des grandes références dans la culture populaire russe. Pavlov, évidemment, aussi, autre cas célèbre en science. Ben oui, le physiologiste Ivan Pavlov, qui, lui, va inventer ce qu'on appelle le réflexe conditionnel, qui va prendre son chien et qui, à chaque fois qu'il lui donne de la nourriture, teinte cette petite cloche qui provoque la salivation. Ensuite, il a faim et peu à peu va retirer la nourriture de sorte que, simplement en agitant la clochette, il va faire saliver le chien. en psychiatrie et en psychologie, la tendance behavioriste va utiliser ça. Ouais. On va essayer de transformer ça pour conditionner les êtres humains. Vous me rappelez mes vieux cours de communication, là, Laurent. J'ai peur de savoir ce que vous faisiez. Oui, exactement. Ouais. Et on va l'utiliser pour des fins, disons, un peu moins nobles au cours du 20e siècle avec des approches des régimes totalitaires, autant nazis que soviétiques. Ouais. Parce que ce sera pas tant... Ben oui, dans certains cas, carrément une arme de guerre, mais il sera mis à contribution dans cette entreprise de guerre, le chien. Tout à fait. Et très tôt, en fait, quand on regarde les archives de la Première Guerre mondiale, on réalise qu'il y a plus de 10 000 chiens qui avaient été recrutés à des fins militaires. 10 000 chiens. Rappelons-nous les conditions dans lesquelles vivaient les soldats aussi. On pensait que c'était une guerre qui allait durer quelques semaines. On n'était pas du tout préparés. Ouais. Et quand on fait les tranchées, on reste là, on se rend compte qu'on ne bouge plus. Et les chiens errants dont on parlait en début d'émission, ils sont encore là, on ne les extermine pas. Ils se retrouvent dans les tranchées. Et souvent, on va s'en servir pour guider les soldats, parce que quand on ne voit plus rien, c'est noir, il n'y a plus de lune, tout ce qu'on voit, c'est des éclairages d'obus qui se passent, c'est les chiens qui vont guider les soldats pour revenir vers la tranchée. D'autres fois encore, c'est l'ennui, tout simplement, qu'on pense à ces grands films qui nous ont marqués, autant du point de vue français qu'américain. Les hommes qui sont reclus en eux-mêmes trouvent enfin, avec les chiens, cette tendresse affective. Et puis le chien kamikaze, je l'évoquais au tout début de l'émission. Tout à fait, ça, ouais. C'est un des moments de l'histoire les plus, comment dire, cruelles, pourrait-on dire. On va se servir des chiens mines, comme on les appelle. On va attacher aux chiens une espèce de cassette de bois avec une espèce, représentez-vous la chose, un bout de bois qui sort, de sorte que quand le chien passe sous le char soviétique, russe, ça débloque l'explosif et paf! Ouais. Le pauvre chien qui y passe. Autre usage du chien, le spectacle, en fait. On a l'image, entre autres, du chien savant en tête, mais on va l'utiliser à toutes les sauces. À toutes les sauces. Le chien spectacle, dès le début, on va comprendre qu'il a une capacité de dressage extrêmement forte. On va d'ailleurs insister, on parlait du behaviorisme tout à l'heure. On va souvent faire le lien entre les hommes et les chiens, de la manière de les dresser. Et les jeux du cirque, par exemple, à Rome, incluaient des chiens. On voyait des combats de chiens contre des lions, des chiens contre des coqs, même. Et à l'époque médiévale, ça va se transformer avec ce qu'on appelle les jongleurs. Les jongleurs, à l'époque médiévale, c'est un terme extrêmement large qui veut dire autant montreurs d'animaux, d'ours, de singes ou de chiens savants. Le chien qui va se battre aussi contre des chiens parfois, mais écoutez, moi j'étais... je regardais un petit peu les notes pour préparer l'émission, des combats de chiens avec des rats. Eh ben oui, parce que peu dans à peu... Dans les pubs, c'est ça en plus. C'est le modèle par excellence de la culture britannique dans les pubs. Parce que peu à peu, avec le 18e siècle, on a une sensibilité par rapport aux chiens et on va faire des lois contre la cruauté envers les animaux. Les animaux, mais pas les rats. Parce que pour les Britanniques, ça ne fait pas partie des animaux parce que c'est un être nuisible. Donc, le chien va avoir le droit d'attaquer des rats dans des combats. Vous descendez dans des pubs, vous avez cette espèce d'odeur de bière, de sueur, d'odeur corporelle de chien aussi. Et là, que voyez-vous? Eh bien, vous voyez des gens attroupés autour d'un cercle et un chien, non pas par rapport à un rat, mais plusieurs rats. On va lancer des rats contre le chien et on va... Il y a des champions, là. Ah oui, il y a des champions. Celui que je vous ai amené, en fait, je ne l'ai pas avec moi, par chance, il est décédé. C'est Billy, le raticide, qui était un bull terrier né d'un croisement entre l'Old English Bulldog, cherchez-en pas, ça n'existe plus, ça, et un terrier. Et en 1822, il va réaliser un record. Il va exterminer 100 rats en 8 minutes 45 secondes. Oh. Il va être tellement célèbre qu'on va en faire des peintures et on va même l'empailler dans un pub de Westminster. C'est vous dire s'il est important. Le président Obama doit prononcer aujourd'hui un important discours sur l'économie, mais c'est un quadrupède de 6 mois qui va retenir l'attention de la presse à Washington. Les Obama ont choisi en fin de semaine le chien qu'ils vont offrir à leurs deux filles. Il s'agit d'un chien d'eau portugais offert en cadeau par le sénateur Ted Kennedy. La nouvelle a déjà coulé dans les médias américains, mais c'est aujourd'hui que la bête sera présentée officiellement aux journalistes de la Maison-Blanche. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche s'appelle Beau et son pelage est noir et blanc. Cet extrait-là, Laurent Turcot, il est formidable. Il nous montre la place qu'occupe aujourd'hui le chien, qui vraiment fait partie de nos vies, fait partie de la maisonnée. Là. Ah oui, carrément. On pourrait même dire que le chien est un être à part entière. Quand un couple se sépare, il n'est pas rare que devant les avocats, on négocie pour la garde du chien. tellement il est devenu fondamental dans la manière de penser la maison, de penser c'est l'unité familiale. Il y a quand même des gardes partagées. Ah oui, il y a des gardes partagées de chiens. Aux États-Unis, c'est assez commun et on dit, bon, ben moi, je l'ai la fin de semaine, toi, tu l'as la semaine, mais attention, si tu le nourris mal, je reviens contre toi. C'est quand même des pensions alimentaires, en surcours pour le chien. Oui, il y a des pensions alimentaires, Jacques Beauchamp, je vous le confirme, parce que justement, depuis les années 1950, avec le développement des banlieues, l'unité familiale va inclure justement le chien comme être à part entière. Et la mort du chien est considérée comme un deuil qu'il faut considérer autant que presque qu'un enfant. On l'enterre dans le jardin ou, au pire, on le fait incinérer. On a toute une cérémonie. Et ça montre justement la naissance d'une sensibilité bourgeoise qui est complètement neuve, qui nous vient du 19e siècle, où justement les êtres qui partaient des campagnes, arrivaient en ville, étaient complètement déracinés et se disaient, mon Dieu, mais avant j'étais entouré d'animaux, pourquoi il n'y en a plus? On va inventer l'idée du chien de compagnie, des petits équels, des petits fox. Ça, au début, c'est très bourgeois parce que souvent, ce sont les femmes qui se retrouvent à la maison seules et elles ont besoin d'un animal de compagnie. Et c'est le chien qui va être utilisé par excellence, non pas le chat, mais le chien, parce que justement, on l'associe au côté dévoué. On sait que les chats, souvent, n'en font qu'à leur tête. Pas les chiens. Ouais. Et le chien, en fait, avec cette place qu'on lui fait dans la famille, ne s'en portera que mieux. Il y a des effets concrets pour le chien. Alimentation, médicalisation, enfin, on est là-dedans. Là. Ce qui est très drôle, c'est que quand on regarde l'histoire de l'hygiène et de l'alimentation du chien, ça va aussi vite que l'histoire de l'hygiène et de l'alimentation des hommes. La médicalisation du chien commence à la fin du 18e siècle, au même moment où les grandes théories des humeurs de l'Antiquité, un jour on en parlera, vont être remplacés par la physiologie naissante, c'est-à-dire l'observation de la machine de l'homme. Eh bien, on va faire la même chose avec le chien. Du côté de l'alimentation, avant, c'était souvent des céréales qui étaient broyées, puis on lui donnait ce qu'on pouvait. Là, ça va changer. À partir de la fin du 19e siècle, on commence à penser en légumes, en viande. Les foyers bourgeois vont même faire des assiettes spécifiquement pour ça. Et pensez aux publicités que vous avez. On ouvre la canne pour les chiens, mais on fait une petite présentation avec un bout de persil. On se croirait presque dans un restaurant. Et ça va parfois conduire à... Il y a un marché d'abord énorme, c'est beaucoup, beaucoup de sous. On parlait de pension alimentaire pour chiens tout à l'heure, mais il y a des psys pour chiens. Ça conduit vraiment, en ce qui me concerne, parfois à du délire. Ah ben Freud aurait sans doute beaucoup écrit là-dessus et je vous invite à lire justement sur les divagations zoophiliques de Freud sur la question. Mais il est vrai que maintenant, c'est rendu un reposoir émotionnel extrêmement fort. Comme on n'arrive pas à se faire aimer pour certains par les hommes, on se dit, lui au moins va tout me donner et il n'exige rien. Tout. Oui, il n'exige rien. Retage, produit de luxe finalement pour chiens, hôtel pour chiens. Certains préfèrent avoir des chiens que des enfants. Et même au Japon, on peut louer un chien l'espace d'une ou deux heures pour se donner un peu d'amour sans avoir amassé les petites déjections canines ou les petits désagréments que ça impose. De plus en plus de chiens d'ailleurs dans les hôtels. Dans les grands hôtels, ça devient très... on veut flatter Pitou. Mais pas n'importe quel chien. Il faut que ce soit un chien de race. Voilà. Un chien qui soit parfait de sang pur. Parce que c'est souvent dans les 4 ou 5 étoiles que le chien se trouve. S'il faut bien le dire. Laurent Turcot, merci beaucoup. Vous enseignez, je le rappelle, l'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci, Laurent. Je vous en prie. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Mathieu Beauchamp, la réalisation. À la recherche, Caroline Morin et André Martineau. La recherchiste aux archives, Suzy Houde. À la technique, Daniel Labrosse. Ici Jacques Beauchamp. Je vous dis à la prochaine.